reproches là? Mais je me reproche de pas avoir expliqué ça avant. Ah ben on l'a expliqué maintenant. Ben ça, ben il te l'a expliqué, non? Oui, il me l'a expliqué, oui. Oui. Mais bon, ben on est trois. On avait déjà eu deux ou trois entretiens. Enfin, mais c'est pas un reproche à... Oui, ben tu as posé la question. Bon, je lui ai posé la question, comment vous étiez pris, etc. Bon, je me suis sentie moins isolée dans ce cas. Mmh. Parce que je lui ai dit pourquoi ils viennent m'embêter à moi. Avec tous les gens qu'il y a, pourquoi ça s'est tombé sur moi? Bon, il m'a expliqué un peu. Mais je t'ai expliqué hein, cet après-midi aussi pourquoi on t'avait choisi toi. Ouais, mais enfin, c'est moins convaincant. Oui, le choix même... peut-être, alors, mais non, le but, tu n'as pas dit le but. Bon, allez, on s'en va. Oui, je te laisse apparaître, ça va? Non, mais je t'ai expliqué cet après-midi que ton cas nous intéressait. Comme une sorte d'exemple de quelqu'un qui est dans un village et qui réfléchit. Et c'était intéressant pour d'autres villages. C'est bien ça? Ouais, mais moi ça m'ennuie parce que, bon, tu vas me dire que je fais un complexe d'infériorité, mais je suis sûre que les autres, ils vont penser que, bon, ils vont apprendre qu'en fait, on manque vachement d'évolution, qu'on est informé sur rien, et bon, et voilà. Et ça m'ennuie parce qu'ils vont penser ça de moi. Non, ils vont pas penser ça de toi, ils vont penser ça de la société. Ouais, d'accord. C'est une mise en cause de la société, bon, bien sûr. Mais ça fait un peu mal quand on est soi-même l'exemple de ce malheur de la société. Ben, c'est déjà...